Ésaïe chapitre 17. La charge de Damas. Voici, Damas est détruite pour n'être plus ville, et elle ne sera qu'un monceau de ruines. Les villes de la Roée seront abandonnées, elles deviendront des parcs de brebis, qui les reposeront et il n'y aura personne qui les épouvante. Il n'y aura point de forteresse en Éphraïm, ni de royaume à Damas, ni dans le reste de la Syrie, ils seront comme la gloire des enfants d'Israël, dit l'Éternel des armées. Et il arrivera en ce jour-là, que la gloire de Jacob sera diminuée, et que la graisse de sa chair sera fondue. Et il en arrivera comme quand le moissonneur cueille les blés, et qu'il moissonne les épis avec son bras, il en arrivera, dis-je, comme quand on ramasse les épis dans la vallée des Réphaïm. Mais il y demeurera quelques grappillages, comme quand on secoue l'olivier, et qu'il reste deux ou trois olives au bout des plus hautes branches, et qu'il y en a quatre ou cinq, que l'olivier a produit dans ses branches fruitières, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. En ce jour-là l'homme tournera sa vue vers celui qui l'a fait, et ses yeux regarderont vers le Saint d'Israël. Et il ne jettera plus sa vue vers les autels qui sont l'ouvrage de ses mains, et ne regardera plus ce que ses doigts auront fait, ni les bocages, ni les tabernacles. En ce jour-là, les villes de sa force, qui auront été abandonnées à cause des enfants d'Israël, seront comme un bois taillé et des rameaux abandonnés, et il y aura désolation. Parce que tu as oublié le Dieu de ton salut, et que tu ne t'es point souvenu du rocher de ta force, à cause de cela, tu as transplanté des plantes tirées des lieux de plaisance, et tu as planté des provins d'un pays étranger. De jour tu auras fait croître ce que tu auras planté, et le matin tu auras fait lever ta semence, mais la moisson sera enlevée au jour que l'on voulait en jouir, et il y aura une douleur désespérée. Malheur à la multitude de plusieurs peuples qui bruit comme bruit les mers, et à la tempête éclatante des nations, qui font du bruit comme une tempête éclatante d'eau impétueuse. Les nations bruit comme une tempête éclatante de grosses eaux, mais il la menacera, et elle s'enfuira loin, elle sera poursuivie comme la balle des montagnes, chassée par le vent, et comme une boule poussée par un tourbillon. Au temps du soir voici l'épouvante, mais avant le matin il ne sera plus celle à la portion de ceux qui nous auront fourragés, et le lot de ceux qui nous auront pillés.